Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 15 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Comment ça va? Oh, bien! François Olivier, ah, oh, ben Colin! Ça va bien, toi? Ouais. Bien sûr. Ouais, j'ai-tu l'air de pas bien aller? Non. Non? Non, en plus, tu me disais que c'était comme un anniversaire aujourd'hui. Oui, hey, tu fais bien de me le rappeler parce que on m'a mis... Attends un peu, là, c'est toi qui me l'as dit et c'est moi qui te le rappelle. C'est ça, c'est okay. Même, ça marche dans la vie. Donc oui, c'est mon anniversaire de mariage! De mariage? T'es même pas marié! Non, anniversaire de couple. Okay. Donc t'as pas fait l'amour parce que t'es pas marié. C'est ça. On est. Et ce soir, tu feras pas l'amour parce que t'es pas marié. C'est ça. Ou pour une autre raison quelconque que je garde secrète. Non, c'est ça, 5 ans aujourd'hui. Je pense que c'est pas vraiment ce que vous voulez que je dise en nom. Fait que peut-être que c'est. Non. Ça, écoute, on va refaire l'intro, OK? Attends, OK, on recommence. C'est un peu bonne idée. Ah, t'as raison, on va pas botcher ça, cette affaire-là. Voyons, là, OK, attention. Hey, bon matin et bienvenue à Sondage requis en ce jeudi 15 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et je souhaite un très bon 5e anniversaire de couple à ma copine Marie-Ève et moi. Félicitations. Merci. Écoute, je suis sans mots ce matin. C'est émouvant, hein? Ah, vraiment. J'ai ri, mais c'est pas drôle. Là. C'est non. 5 ans de... J'ai suivi les... Félicitations, Matt, écoute. J'ai fait ça dans les règles de l'art. Ah, très bien réalisé, écoute. Règles, t'avais compris le mot règles, règles. Donc, bienvenue en ce jeudi matin. Aujourd'hui, on a un beau plan d'émission pour vous. Boy. C'est un beau matin, un matin. Je pouvais pas juste faire ça normal. Il fallait que je fasse ça drôle, pas drôle, tu sais. Ah, ça, écoute, tu t'en es bien sauvé. Là. Inconfortable. Aujourd'hui, Maxime Bétuit et sa chronique ciné et télé. Il va nous parler de plein de choses, en fait. Ça va être très intéressant. On va parler, entre autres, je vais dédier ça à ma copine, justement. Oh! On va parler de Twilight 5, là. OK. C'est pas des blagues. Ça sort quand, ça? Ça sort, là. Mais là, ou... Oui, ça sort, je crois que c'est... Dans une couple de semaines? Ah, ouais, l'autre vendredi d'après. OK, OK. En tout cas, c'est dans les deux prochains vendredis. OK. On va parler aussi de James Bond, de Mission Impossible avec George Clooney, Star Wars, les Kennedy et une de mes séries préférées, Boy Meets World. OK. Oh, j'en ai déjà parlé une fois ici, à un moment donné, puis c'est bien, bien bon, donc c'est on en parle bon. Avec Maxime Bétuit tantôt à 8h après ça. Formidable, il y a François Landry qui va venir nous faire sa chronique politique, évidemment. Et on parle de pognon, fric... bacon, ouais, salade, tomate, OK. Salade? Bacon, salade, tomate, le BLT. BLT, écoute. BLT toasts. Avec François Landry. C'est un gars bien toasté, ce gars-là. sinon, on va aussi avoir la chronique. Aujourd'hui, j'étais comme un petit peu indécis dans qu'est-ce que je voulais faire comme chronique. Ouais. Oh. Je sais que j'ai promis que c'est un fait, donc ça, j'ai pas le choix de le faire. Ouais. Regular Edition, ça va être une petite édition vraiment courte. Et j'aimerais ça aussi faire une chronique. Écoutons la dernière chanson aujourd'hui. OK. OK. Et je sais que tu nous fais entendre du Crystal Castles. Donc, oui, dernier CD qu'on a reçu hier, d'ailleurs, à la station, et je l'ai écouté. Et c'est bien, en fait, j'aime ça. Okay. Évidemment, c'est de l'électro. Ouais. On n'en écoute pas souvent ici à Assemblage requis. Non. Par contre, je pense que ça va être un bon début. OK. Donc, on fait ça tout de suite, là, après cette chanson des trois accords. Ah ouais, parfait. Donc, écoute, leur extrait du palmarès francophone, les trois accords et exercice au 89.1 FM. Et bonne émission du jeudi matin. Tout arrêt. Sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. Ensemble serait suffisant. J'ai c'est ça. Les trois accords et la pièce exercice sur l'album J'aime ta grand-mère, assemble à ça. Super bon. Hein? Ouais. Vraiment formidable. Les trois accords, le dernier album. Procurez-vous-le. Ça vaut la peine. Je te l'accorde. Ah, bye. Écoute, Matt, on va aller entendre du Crystal Castle. Dernier album, d'ailleurs, qui est sorti, je pense, cette semaine, mais on l'a reçu hier ici à la station. Et la pièce, c'est Plague. Écoutons ça. Écoute, on n'est pas habitué ici à Assemblage Rocky, là, mais... Électro. Intro. Intro. Long. Parlez par-dessus. Radio commerciale. Ouais. On fait pas ça trop souvent, ça fait radio commerciale. On aime ça. Ça sonne bien, tu sais. Gaston, oh, ouais. La vraie. Ça commence. Ça sent bien. Crystal Castle. We'll be right back. Crystal Castles et la pièce Plague. Pièce que j'aime bien, en fait, là, c'est électro, hein? Oui, c'est ça fait changement, en fait. Il y a des bouts, t'es comme, t'as l'impression d'être sous l'eau, je sais pas quoi, dans un scaphandre, je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bloup, bloup. Bloup, bloup, bloup, bloup. Bloup, bloup. C'est bon, j'aime ça. Crystal Castles. Formidable. On en fera jouer ici à Assemblage Requis. Certainement. Maintenant, François, j'ai un petit quiz pour toi. Oh, oh, oh. La main sur le buzzer. La main sur le buzzer. Écoutons Ladon, la chanson. C'est ton pot de lait. Ouais, j'ai pas de buzzer. Non. Écoutons là dans la chanson, c'est le petit quiz d'Assemblage Requis où une fois de temps en temps, quand le temps le permet, je me fais un petit bloc où quelqu'un dans l'équipe, toi ou moi, se fait un petit bloc de trois pièces et l'autre doit deviner la thématique. Le lien qui les unit. C'est beau, là. C'est beau, c'est beau. Vite de même, là, je dis 5 ans, mais... 5 ans, c'est des groupes qui existent depuis 5 ans, c'est ça? Peut-être. C'est des couples. C'est des couples. Alors, c'est des théories qu'on peut avancer, là, on peut en faire, on peut je en sais même pas ce que tu vas faire, toi. Je vais te faire jouer trois pièces de trois artistes différents, d'accord? On va terminer plus tard avec une toute nouvelle entrée du palmarès anglophone par le groupe Run With The Kittens, OK? Donc là, je te donne juste les noms des groupes, je te dis pas okay. les noms des pièces parce okay. que ça pourrait peut-être t'aider, okay, tu sais. OK. Pas que les noms des groupes vont pas t'aider. Allez, tu sais, il y a que des théories à faire, là, je peux pas donner la réponse. Bon. Arrête de me chialer, je peux pas donner la réponse. Donc, on terminera avec Run With The Kittens. On aura au milieu Pigeon John. Mais on débute avec Patrick Watson. Voici... une pièce avec un titre qui commence à l'instant. Shazam, fais-toi aller. I got my feet knocked off the ground. Peut-être, Shazam. I got my head knocked off my feet. I tried to swallow all of the walls. And now I've gotten into deep. I don't know how or why, but I

là, François se sent vraiment intelligent. Eh hey boy. C'était le bloc Écoutons la chanson. Je vous ai fait jouer trois pièces, en fait, avec François, de deviner le lien entre elles. Est-ce que tu veux t'aventurer? Par contre, attends un peu. Là. Tu dis ça comme ça, là, mais j'avais une difficulté supplémentaire. En fait, j'avais pas le titre des pièces. C'est vrai. T'as seulement les noms des artistes. On a commencé avec Patrick Watson. Mm-hmm. Ensuite, Pigeon John. Oui. Et finalement, Run with the Kittens. Ouais, c'est ça, exact. Écoute, j'ai deux théories à ce niveau-là. Mm-hmm. La première va comme suit. En fait, c'est tous des hommes qui chantent. Ouais, tout à fait. Donc, c'est facile un peu comme lien, par contre. C'est facile un peu comme lien. Je me suis dit, Mathieu Blanc est beaucoup plus rusé que ça. Ouais, futé, vif, vif, vif d'esprit, peut-être. Vif. Ouais. Ouais. Vif. Et puis, écoute, ma deuxième hypothèse, c'est que c'est des demandes spéciales. Oh, non. Non? Non. Ah. Non, tu veux pas t'aventurer sur une troisième? Ben écoute, oui, je peux l'essayer. Là, live comme ça, écoute. Parce que moi, je sais pas, j'ai entendu ta théorie tantôt en ronde. Ouais, mais j'essaie. Je me disais, ça a un certain calibre d'intelligence. J'ai été avec les animaux. Ok. Pigeon. Pigeon, ok. Un petit. Pigeon, un oiseau, ça? Ouais, un oiseau. Mm-hmm. Kittens, un chat. Ok. Un chaton. En fait. Un chaton, ouais. Ok, puis, et Patrick Watson. Ben Patrick Watson, en fait, j'ai pas reconnu la pièce. Le titre de la pièce, j'en ai aucune idée. Donc, j'imagine que ça parlait peut-être d'un. Peut-être que Watson était peut-être l'animal de compagnie, si on veut. Il est attachant, par contre. De Sherlock Holmes, parce que c'est son petit. Sherlock Holmes? C'est Sherlock Holmes, élémentaire, mon cher Watson. Wow! Ça pourrait être son animal de compagnie. Ouais. Est-ce que ça t'adresse si je donnais le nom des pièces? Ben, écoute, ça peut pas nuire. Donc, Patrick Watson, on a entendu Weight of the World sur l'album Close to Paradise. Pigeon John, on a entendu Weight of the World sur Pigeon John at the Summertime Pool Party. Et on a terminé avec la pièce Weight of the World de Run with the Kittens sur l'album Letters from Camp. C'est peut-être que ça a rapport avec Weight of the World. Peut-être. Oh, c'est bien, Marie-Croix. Trois bonnes pièces. Ben oui. Avec le même titre. C'est drôle, hein? Comment ça la donne de même? Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Voilà pour écouter la chanson. Ça valait la peine. Je trouve qu'on s'est diverti. On s'amuse de rien, nous. C'est fou, hein? Absolument rien, pantoute. Mais ça remplit un beau petit 10-15 minutes. Au retour, la chronique, c'est un fait à Assemblage Rookie. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. I'm La pièce Givresse de Vanessa Parietter à Assemblage Requis. Vanessa Parietter, vous les connaissez, vous les aimez. On reçoit la question à tous les jours. Qui a fait votre chanson thème? C'est Vanessa Parietter. C'est ça, vous l'entendez à chaque jour. Là. Tous les jours. Moins un peu de ces temps-ci. Au début de l'émission, certains auront remarqué. Ouais. Pourquoi? C'est beau. On verra pourquoi. Tu rames des affaires. Parti chez le docteur, c'est ça. Donc, dans quelques minutes, on aura la chronique C'est un fait regular size, one size fits all edition. Edition. Le mot édition est très important. À ta face. C'est ça. Mais avant ça, demande spéciale de la part de François Olivier Marchand. Oui, une formation que j'affectionne particulièrement. Et non, en fait, que je n'ai jamais vu en spectacle. Non. Parce que tu me demandais ça à micro fermé. Quoi? Je te demandais ça? Non. Non, c'est ça, il me semblait aussi. C'est Gaslight Anthem et puis la pièce, une ancienne pièce qui se trouvait sur le palmarès. Oui. Par contre, c'est pas elle qui se trouve sur le palmarès actuellement. Non, là, c'est Handwritten en ce moment. Exactement. Et ça qu'on va l'entendre, c'est 45, ouais. 45 ou 4 et 5. Ouais. Ça dépend de ton niveau de scolaire. Secondaire 4, 5 ou primaire 4, 5? Ah, ça peut être bon aussi. Ah ouais! Ou 4, 5 ans. OK, 45 pouces. 45 pouces, effectivement. Ça te dit quelque chose, ça, Matt? Et non, ben oui, c'est, en tout cas plus que 4-5 ben. Pouces. OK. Donc, 45, gars, ça va être tout de suite. À Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou! Light and Them et la pièce 45, pièce qui, d'ailleurs qui se retrouve sur l'album Unwritten, très bon album. Comme un 4 à 5, ça c'est comme un genre de souper pour les personnes âgées, mettons, 4 à 5. Ouais, et c'est rapide. Là. C'est ça. Dépêche-toi. Ça se mange très bien, très de bonheur, très froid. C'est du mou. Pas d'épices, oui. Pas des pieds. Hey, ça a l'air bon. Ça a l'air plate en tabarnouche, j'aurais pas de personne âgée. Mais bon, c'est votre choix, c'est votre droit. Maintenant, quelque chose qui est pas mal plus épicé, quelque chose de plus. C'est corsé. Corsé, relevé. Ouais, relevé pourrait dire. C'est bon. On pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot cute, là exotique. Beaucoup de saveur. Savoureux. Savoureux, ouais. On l'avait-tu dit? Je sais pas. Non. Plein de saveur et savoureux, c'est la même chose. Ouais. Pas grave. C'est un fait. À tous les jours, François-Olivier, tu me dis « Apprends-moi quelque chose que je sais pas, dis-moi quelque chose que je connais pas. » Allez, Matt, allez! Dès que t'arrives, hein, je t'achale comme ça. Fais-moi apprendre, maître! mon Dieu. Et j'essaie à tous les jours de te divertir et te renseigner, par exemple, sur les jeux vidéo. Savais-tu, le créateur de Mario et Donkey Kong et un paquet d'autres personnages comme ça, Shigeru Miyamoto, on parle souvent de lui dans C'est un fait, mais quand même, c'est une personnalité importante. Au départ, il voulait que Bowser, tu te rappelles le méchant dans Mario? Ah oui. Il voulait que Bowser soit un bœuf. OK. Un bœuf. Et il l'a basé sur un des personnages principaux, en fait, dans une affaire animée, là, Alakazam the Great. Et c'est sûrement pour ça que son design moderne a des cornes et un genre de museau qui ressemble un peu à un bœuf, même si, dans le fond, c'est une tortue dans le jeu. C'est, okay. On l'appelle King Koopa, Koopa étant les tortues dans Mario, donc c'est une tortue et non pas un dragon, comme certains pensent, et c'est basé sur un bœuf. Fait que c'est comme un mélange, ça. OK, OK. Comme une soupe. Comme une soupe. Comme une soupe. Fort comme un bœuf, comme on dit. Bon. Donc, en 1989, ensuite, Walmart a retiré Listerine de ses magasins quand une femme s'est plaint. En quoi, en 96? En 89. OK, 89. T'avais juste les deux chiffres, pas correct. À l'envers. Et alors qu'une femme, elle avait dit qu'elle s'était brûlée la bouche. Après avoir fait des tests, ils ont remis ça en magasin. Pourquoi? Parce que c'est juste comme ça que Listerine goûte. C'est vrai, t'as goûté à ça? Oh ouais. La saveur originale, c'est dégueulasse. Oh ouais. On peut bien comprendre pourquoi ils ont fait une campagne publicitaire avec genre un nouveau goût, tu sais, qui brûle pas la bouche. Oh ouais. C'est normal. Ensuite, la première webcam au monde. Est-ce que tu sais ce qu'elle faisait, la première webcam au monde? Pas grand-chose. Pas de la porn. Non? C'était pas un porn show, non, non, non. C'était pour surveiller une cafetière. Ça permettait au... Hey, c'est vrai, oui. Oui. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je sais que j'ai déjà fait ce fait-là, ça fait comme 3 ans, mais peut-être que quelqu'un d'autre te l'avait dit. OK, non, non, c'est peut-être ça aussi. Aucune idée. Mais bref, ça permettait aux chercheurs de l'Université de Cambridge de surveiller le café sans quitter leur bureau. Il y a c'est des vrai. Photos encore de ça sur Internet. Ah ouais? Ouais, ouais. L'homosexualité était une maladie classée dans les maladies jusqu'en 1979 en Suède. En fait, les Suédois, après ça, ont manifesté en appelant au travail et en disant « Je suis malade, je me sens gay. » C'est une bonne façon de manifester quand même, pour vrai. Ah ouais. Tu sais, c'est n'importe quoi, une maladie. Ah ouais, ouais, voyons, ouais. Non. Les poissons rouges, ils perdent leur couleur lorsqu'on les laisse à une place où il n'y a pas de soleil, de lumière, en fait. C'est un peu comme les humains, ils ont besoin de soleil pour garder leur pigmentation. Ça, c'est fascinant. Ouais. Tu connais Taylor Swift? Taylor Swift, l'actrice? La chanteuse, en fait, mais proche. Pas loin. À un moment donné, c'est confus. C'est, hein. Ouais, c'est un ou l'autre. L'une fait l'autre et l'autre fait l'une, et tout en même temps. Donc, Taylor Swift a passé une majorité de son enfance sur une ferme d'arbres de Noël. De 11 acres de superficie. OK. Une ferme d'arbres de Noël, dans le fond, où on cultive des arbres de Noël pour après ça les vendre. Les vendre. Ben. Lorsqu'il est lancé, une balle de baseball, la balle de baseball moyenne, disons, de Major League Baseball, hein, c'est de la Ligue majeure de baseball, elle va tourner 15 fois avant d'être frappée. Oh ouais. Ouais. 15 fois sur elle. 15 fois sur elle-même, exactement. C'est bien. Ouais. On se rappelle, on avait déjà fait celui-là, mais la durée de vie moyenne d'une balle dans la Ligue majeure de baseball est de 5 à 7. Pitches, quoi, c'est lancé? Des lancers. Ouais. Ouais. Je l'aurais pas eu. Plus même, que ça. Non. Je sais pas si ça devient molle ou. Ben, en même temps, écoute, il la pousse tellement que. Puis j'imagine, tu sais, une fausse balle, bon, écoute, elle devient croche. Ben, en fait, on la change automatiquement parce qu'elle est partie loin. Ouais. OK, mais je pensais que c'était plus que ça. Mais non, c'est malheureux. Ouais, ça coûte cher. Alors, on avait parlé aussi du nombre de... Je sais pas, c'est quoi que ça a de couture qu'il y avait là-dessus. Il y a plein d'autres faits de baseball. Ouais. On a une fois de temps en temps comme ça, je sais pas pourquoi. Selon sa biographie officielle, la première et seule fois que Kim Jong-il, ou pour les téléspectateurs de TVA, Kim Jong-2, hein? La première et la seule fois qu'il a joué au golf, c'est des termes de golf, tu me corrigeras, tu m'aideras un petit peu, je sais pas si tu connais le golf. Un petit peu, les termes, peut-être pas, mais... Il y a eu un qui dit, là, selon sa biographie, la seule et unique fois qu'il a joué au golf, un 38 under par. Mais non. OK, non, je sais. Dont 11 trous de coups. Mais non, ça... Et après ça, tu lis ça, puis t'es supposé croire ça. Tout. Ben voyons donc. Si ça, c'est vrai. 38 c'est vrai. En bas du port. Ouais. Le port, là, en fait, c'est comme la normale. La moyenne, OK. Et puis, 11 trous d'un coup. La première fois qu'il joue au golf. Hey! Kim Jong 2 plus comme Kim Jong number one, number hey, one, number one. Hey! Pouce, mais pouce égal. Tabarouette. North Korea, North Korea. Non, c'est quoi, c'est Corée du Nord, lui? Corée du Sud, Corée du Nord. Hey, j'en reviens pas. Le petit homme, il y en avait dedans. Parce qu'il n'y a pas de l'air d'être grand. La grandeur d'un bâton, en tu connais quand. Ou ben non, il y avait des gars cachés dans le bois qui allaient rentrer pour lui faire plaisir. Peut-être. Ça aussi, ça se fait. Fait que lui, il croit vraiment dans son cœur, c'est ça l'affaire. Parce qu'on lui a tout couvert ça, là. Fait que tu vas le blesser dans ses sentiments, ben, sur le contraire. Il est mort. Non, mais il est mort, mais il peut avoir des sentiments pareils. Ben, ouais, j'imagine, écoute. Il ne remet pas mes croyances en question. Hein? Excuse-moi. J'en ai pas, j'en ai pas. Gangnam Style, tu connais? Ah, oh, pas Gangnam Style! Ouais, ouais. On l'a fait jouer comme 1000 fois en parodie dans CNX ici à Assemblage Rocky. Malheureusement, je le regrette. Et, ça, on ne le fera plus jamais. Jamais, c'est fini, ça. Donc, tu t'es peut-être demandé, c'est quoi ce Gangnam? Ben. Pas vraiment. Non. Un petit peu, mais tu sais, en même temps, écoute, ça vient des gangs. Non. Non? Non. T'es pas, est-ce que t'es un petit peu curieux un petit peu dans la vie? Ben, je cherche pas ces trucs-là. Là. Non, hein, bon. Donc, Gangnam, dans Gangnam Style, ça c'est G-A-N-G-N-A-M. Non, ça n'a pas rapport avec les bangs. Avec les bangs. Les gangbangs, je sais pas pourquoi. Les gangbangs, man, on parlait pas de gangbang, Matt. Donc, Gangnam, c'est le genre de Beverly Hills de Séoul. Le genre de Beverly Hills, un petit peu. OK, similaire, OK. Quartier riche, peut-être. OK. Donc, Gangnam Style est dans les livres des records Guinness comme étant la vidéo la plus likée sur, dans l'histoire de YouTube. Et Gangnam, c'est le Beverly Hills de Séoul. Voilà pour ce fait-là, c'est sympa. Un gars qui se. Un chien. Un chien? C'est différent, ça. Hein? Un petit peu. Donc, un chien qui se shake le booty, hein, pour s'enlever l'eau de sur sa fourrure. Un chien qui se brasse, là, peut se débarrasser jusqu'à 70% de l'eau, ou en tout cas de tout ce qui est liquide ou n'importe quoi, qu'il y a sur sa fourrure, en seulement 4 secondes. Donc, c'est pour ça que les chiens vont faire achèque. C'est assez, tu sais. Ah, oh, bon. Comment t'as fait ça, toi? J'ai fait Ah, mais c'est cool, par exemple. C'est bien. Ouais, ouais, c'est cool. Ils sont chanceux. Oui. On aimerait essayer de te brasser la tête, toi. Pas sûr. Bon. À Hunan, en Chine. Hunan, en Chine. Les livres avec des animaux parlants. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles. Il y a des animaux qui parlent là-dedans. Bon. C'était vu comme étant une insulte à la race humaine. Et ils ont été bannis dans les écoles à Hunan. Insulte à la race humaine. Ouais, c'est insultant, là, parce qu'il y a juste les humains qui peuvent parler. Ben, les animaux, ils sont en dessous de nous autres. Ouais, mais il y a un langage entre eux autres. Ben, je sais bien, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est parce que les. En tout cas, là, on va se fâcher le matin. On va se fâcher, mais c'est pas parce que tu comprends pas et qu'ils parlent pas en français ou en anglais que les animaux ont pas le feeling. Okay? D'habitude, c'est François Landry qui me craint, mais là, c'est toi, Matt. Écolé, le matin. Un matin. Est-ce que tu connais Saint-Nicolas? Saint-Nicolas. C'est François qui pompe. Hein? Non, okay. Non, mais. Pas d'image dans ma tête. Non, j'ai pas dit pomper. Non? Non, qui me fâche. Qui craint, mais qui me craint. Qui pompe, c'est pas mal la même chose. Non, non. Craint. Pas l'humeur, là. Non. Puis ça sort. Hey. Tu disais quoi avant ça? Saint-Nicolas, est-ce que tu connais? Ben, c'est un saint. Oui, en effet. Ben, c'est pas pire. C'est le patron saint des vierges. Le patron saint des vierges. Les vierges, donc c'est leur saint à eux autres. Ce qui est ironique quand même, étant donné qu'ils sont vierges, ils n'ont peut-être jamais touché un saint. Hein? Ouais, c'est... Non. C'est tout pour cet effet aujourd'hui. Regular size edition, one size fits all edition. Merci, Matt. Ça fait plaisir, edition. Ah, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, on s'amuse un matin, là. Ça, c'est un chien? Non, qui se shake le booty, ouais. Ben non, c'est quelqu'un qui disait c'est fou. C'est un, en fait, c'est une pièce, c'est une grande pièce qui a été reconnue internationalement. La pièce wouhouhouhou. Non, c'est bou. Oh, excuse-moi. C'est pas ça. C'est comme ça quand tu chantes des chansons des fois. Puis, ah non, sérieux, je suis un piètre chanteur. Je sais pas, hein. Mais écoute, on va se le dire. Là. J'en ai aucune idée, hein. Moi, c'est quand tu chantes, mettons, par-dessus les chansons, puis quoi, je t'entends très bien d'ici. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau. Oh, ben merci. En disant ça. Ouais. Je vais le prendre en compliment. Non, mais sérieusement, écoute, tu pourrais appeler ma blonde là et elle pourrait te confirmer le tout. Est-ce qu'on peut? Ben, tu peux essayer, écoute, je suis pas dans le coup. C'est toi qui donnes le numéro de téléphone, par contre. Ben, c'est toi qui vas le composer, c'est de ton bar. Ouais. On l'appelle là? Je sais pas. Ah, ouais. J'ai hâte de voir ce soir. C'est pas game, on dirait. Non, hein? Je sais pas. Tu vas te faire chialer ce soir? Peut-être pas. Parce que, est-ce que tu sais ce qu'elle a, ta copine, François? Non. Elle a des instincts domestiques. Qui est la pièce de la descente du coude. Qui est une autre chose que tu vas voir ce soir, une descente du coude. Ouais, une descente du coude. Vous êtes à assemblagerie. From the sun, oh. the bottom of the deep. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets at my heels. The devil's got a gun. I'm never going home. I'll be the only one. The daylight on my tail. White Horse! Devil's got a gun! Il y a un gun, pis il s'en sable, il n'a pas peur de s'en servir. Pis il fait chaud. Il fait chaud parce que c'est l'enfer, ouais, j'imagine. Ouais, ok, c'est ça. Je viens de comprendre. Donc, White Horse avec une pièce du palmarès anglophone, une pièce qu'on adore, et je crois que c'était numéro 1 la semaine passée. Est-ce que ça l'est encore? C'est ce qu'on va savoir jeudi après-midi, slash aujourd'hui. Là, on est jeudi, c'est ça? Oui. J'ai une émission de 3h cet après-midi. Oui, oui, oui. Ben, comme ça, les palmarès, pour vrai, parce que, écoute. C'est bon, premièrement. Oui. La musique. Oui, oui. La musique. Quand elle est là, Alexandra est merveilleuse. Oui. Et puis. Les chroniqueurs aussi. Oui, ouais, c'est Jacques Tardy, puis Justine Renaud. C'est vrai. Ouais. Les instants classiques d'Assemblage Requis sont très bons aussi. Aussi, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et c'est ça. À peu près ça, ça fait le tour de la question. Oh, oui, voilà. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est à partir de. À partir de 15h. Parfait. Les jeudis, aussi les vendredis à 17h. C'est vrai. Et ça, c'est après Rock Classique, évidemment. Et les lundis à 14h après l'examen final. Donc, c'est trois chances d'écouter les palmarès, c'est fou. Et j'entends souvent le commentaire que les gens vont télécharger la balado-diffusion sur assemblagerequis.com juste pour comme avoir une genre de playlist du palmarès du top 40. C'est une très bonne façon d'entendre le palmarès au complet. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est sûr qu'il y a de quoi que t'aimes. C'est certain. Ce que je pourrais faire un jour, ce serait comme de tout enlever les bouts qu'on parle, tu sais. Ou juste laisser, tu sais, enlever toutes les chroniques, les niaisages, les affaires, tu sais, puis juste mettre la musique. Avec un peu d'ID entre ça. Ce serait comme super long à monter, tu sais. Ouais. Fait vrai. Que non, je le ferais pas, finalement. Non. Skipper, forwarder. Ouvrez-le dans Winamp, faites flèche de droite pendant comme plusieurs fois, puis ça va comme skipper. Tic, tic, tic, tic, c'est le fun. Comme mettons, tu sais, sur mon fond, mettons, je pourrais faire ça, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Hop. Ouais. Là, ce bout-là, il est popé. Attends. Ici. Oh, wow! C'est formidable. C'était beau, hein? dans quelques minutes, on va recevoir Maxime Bétuy, sa chronique ciné et télé. J'ai très hâte, comme toujours, de parler de télé et de cinéma. C'est un sujet que j'adore. Et on va parler, entre autres, de Twilight tantôt. Aussi de Mission Impossible. Formidable. Et James Bond aussi, je pense? Oui, James Bond. Un petit peu, oui. Retour sur les chiffres de Skyfall. Qui a débuté la semaine passée. Pour l'instant, par contre, voici Noël et leur nouvel extrait du palmarès franco, c'est Beltan. Ah, c'est fou. Au 89 FM, c'est bien ça. Beltan. Beltan. Beltan. Bosque de sorcières. Je veux revoir ton doux visage. Tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame. Écouter ta voix océane. Murmurer des villes d'Irlande. Dans ta clairière de Procellion. Dans la forêt où le fond me brame, tout près du lac de la dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Viens réchauffer tes ailes humides, rêve sur brasier de l'homme druide. Écoute les incantations de ta lycée breton. Reviens avec moi vers Wicca, faisons remettre les rites anciens. Changeons les naissances, ça va être vivant comme des sylvains. Oh. éternel. Ma main, ma main. Je veux toucher ton corps de fée dans un étrange rituel. Dans une rêverie occitane, je veux redire ton nom Morgane. Laisse-moi te prendre à la belle teinte, comme un païen qui te profane. Ouvre-toi libre tes offrandes dans la clairière de Procellion. Belle Tanne de Noem, assemblage requis. Caroline, cette pièce-là, dès la première écoute, moi je sais. Oh, le bien. C'est bon, c'est bon. Mais Noem, c'est bien. Oui, joyeux Noem. Joyeux Noem. Ma. On est le 15 novembre. Ouais. C'est vrai, hein? C'est un peu d'avance. Les déclarations. Les déclarations de Noël commencent à sortir. Hein? Oui, les impôts là, en dessous du sapin. Oh, ouais. Écoute, déclaration d'amour aussi. Là. On aime ça. Dans quelques minutes, Maxime Bétu, il s'est chroniqué ciné-télé. Il est juste là, je le vois. Il est prêt à parler, mais c'est pas maintenant, mais c'est bientôt. Il peut dire bonjour quand même. Hein. Joyeux Noël. Noël. Oui, calme. Je suis pas. Hey, je connais pas, toi, là, le matin. Non, non, jamais j'oserais. Bon. Jamais j'oserais. Donc c'est tantôt, mais pour l'instant, on s'écoute l'Info Campus parce qu'il faut savoir ce qui se passe sur le pavillon de l'UQTR. J'allais dire sur le pavillon de l'UQTR. Campus. Pavillon. Pavillon. Hélicoptère. C'est un running gag d'hier que personne n'était là pour l'entendre, c'est ça? Ah, non. C'est fou. Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis pour ce jeudi 15 novembre 2012. Lui, c'est François Les Marchands. Lui, c'est Mathieu Plon. Et François-Olivier, tantôt, tu vas avoir ton bonbon à toi, ton sujet préféré, la politique. Oui. Tantôt. Tantôt, alors, avec François Landry. Alors ça, c'est mon bonbon à moi. Vas-y, vas-y. Okay. On parle de télé et de ciné avec notre bonbon... notre bonbon chroniqueur. En tout cas. Il est gentil. C'est fin, quand même. Maxime Bétuy qui est avec nous en studio. Bon matin. Eh bien, bon matin. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Oh, ben, on a plein de bons sujets aujourd'hui. Hein. Oui, plein de choses. Alors, on commence. Bon, déjà, j'ai beau avoir fait de mon mieux pour l'éviter, mais malheureusement impossible de passer à côté de l'événement ciné de la semaine. C'est la sortie de Twilight. Non! Si! D'or! Ben, je suis désolé. Immédiatement. Et il faut que j'écrive quelque chose toutes les semaines, moi, monsieur. Ouais, d'accord, j'accepte pour cette fois-ci. Mais Twilight, t'haïs pas ça, maintenant? J'ai pas une haine profonde. Non, oh ben. Oui. Mais non, j'aime pas vraiment ça. Je trouve ça long. Je trouve ça un petit peu trop cheesy. Genre trop romantique. Moi, mais j'aime c'est pas un peu plate ça. Aussi. Hein? C'est ça. Le scénario est pas. On va se le dire, là. C'est plate. Mais la musique est très bonne. Il y a de la musique indie dedans. C'est vrai. C'est vraiment très bon. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, t'avais acheté la trame sonore. Hein? On a reçu la trame sonore et je l'ai gardée. On l'a reçu. Oh? Parce qu'on la mettra pas dans le discothèque, sinon ça encourage les gens à parler de toilette. Ah, oh, oups, excuse-moi, Maxime. C'est vrai. Bon, si ça peut rassurer tout le monde, Taylor Lautner, interprète du loup-garou Jacob, a affirmé que le triangle amoureux était bel et bien fini et qu'il y avait plus d'action dans cet épisode que dans les autres. Bon, quand même. On note que la fin du film diffère légèrement du livre, certainement pour attirer une dernière fois les fans du roman, et aussi que la dernière demi-heure de cet ultime opus se conclut par une scène d'action violente et sanglante. Tout le monde meurt, yeah! Ouais! Fini! Au moins, Bella fera autre chose que courir partout pour se planquer afin d'éviter de se faire bouffer par un vampire. On n'était pas habitués. Bon, par contre, pour la scène d'amour, ne vous y trompez pas, ce ne sera pas pire que dans les autres films. Égal, sûrement. Donc, tout le temps, la même chose. Les filles vont bien aimer ça en cinéma. Elles vont crier dans la salle. Ouh. Voilà ce qui va se passer. Oui. Bon, côté scénario, je récapitule vite fait pour ceux qui n'auraient pas succombé au charme du beau Robert Pattinson. Bella et Edward se sont mariés, ont eu un enfant mi-humain, mi-vampire, qui, de par sa nature extraordinaire, vieillit plus vite que la moyenne, puisqu'elle atteint l'âge de 11 ans en seulement 3 mois. Waouh. Vous comprendrez donc que... Oula, où est-ce que je suis en lui que Bella a plutôt mal vécu sa grossesse, ce qui a précipité son mari à la transformer en vampire. Enfin, Jacob va s'imprégner de leur progéniture, S'imprégner en langage loup-garou, ça veut dire plus ou moins tomber amoureux. Ok, donc okay. Le loup-garou, l'autre, le gars du triangle amoureux des précédents films, lui, tombe en amour avec la fille de Bella. Voilà. Ok. Qui a 11 ans. Oui, même dans Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'amour, il n'avait pas fait celle-là. Hein. Ah ouais, non, c'est ça. Evil Twin, des choses comme ça. Là, ouais. Une histoire un peu folle, donc c'est en tout cas ce qu'a affirmé Robert Pattinson lui-même. Enfin bref, que vous ayez lu le livre ou non, rendez-vous en salle pour vous faire votre propre avis sur la question. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes une fille, vous allez y aller de toute façon. Si vous êtes un gars et que vous sortez avec soit un gars ou une fille. Exactement. Vous allez y aller de toute façon, tout le monde va y aller. C'est comme ça que j'ai vu le premier. Voilà. Oui, hein. t'as embarqué, t'as suivi la série après ça parce que t'aimais ça. J'avais bien aimé le premier parce que pour une fois, le vampire n'était pas le méchant. Ah, oui, mais il brillait au soleil. Oui, alors, oh là là, quelle catastrophe. Oh là là. Je tiens quand même à rassurer tout le monde, c'est la première et la dernière fois qu'on parle de Twilight dans la chronique du jeudi. Sauf si Stéphanie Meyer, auteure de la saga, écrit une suite comme elle l'a annoncé ce week-end. Non. Ou bien, si Twilight est racheté par Disney. Car après tout, parce qu'après tout, Mickey est tellement chaud patate en ce moment qu'il serait bien capable de sauter le pas. Enfin bon, ne rêvons pas d'ici au 20 décembre, Twilight, dans la chronique du jeudi, c'est bel et bien terminé. Est-ce que tu annonces déjà la fin de ta chronique à l'avance? Ben oui, parce qu'après je rentre en France. Ouais, donc, ouais, je sais, comme ça, ça fait du teasing, les gens vont s'attacher beaucoup plus vite. T'es agace, je te dirais. Agace. Fin de la saga Twilight ou pas, Robert Pattinson n'aura aucun mal à retrouver du boulot puisque l'acteur jouera dans le prochain film de David Cronenberg. On se souvient du très bon Cosmopolis sorti l'an dernier qui avait fait sensation au Festival de Cannes. Le film s'appellera Map of the Stars. On sait cependant très peu de choses sur le film, mis à part qu'il parlera de l'usine à rêve d'Hollywood et que le tournage est prévu pour mai 2013. Sachez également que Viggo Mortensen fait partie du casting. Eh ben, on va surveiller ça. On passe aux chiffres de la semaine. Jingle du chiffre de la semaine. Chiffre de la semaine. La semaine dernière, je vous annonçais la sortie en salle de Skyfall, le dernier James Bond. Eh bien, James Bond bat tous les records depuis qu'il a envahi les salles de cinéma. L'agent 007 s'est offert le meilleur démarrage de l'histoire de la saga en réalisant une recette de 90 millions de dollars aux États-Unis. Skyfall vient d'éclipser le record de 67,5 millions de dollars de Quantum of Solace, qui avait déjà éclipsé celui de 40,8 millions de dollars de Casino Royale. Là, est-ce qu'on y va dans l'ordre? Est-ce que Quantum of Solace était le précédent avant Skyfall? Ouais. Ok, parfait. James Bond signe le quatrième meilleur démarrage américain de l'année derrière Avengers, La Relève du Chevalier Noir et Hunger Games. On comprend mieux pourquoi Daniel Craig a signé pour deux films supplémentaires minimum. Ouais. Et en plus, on commence à entendre parler du film aux Oscars. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah, pour vrai? Est-ce que je ne connais pas du tout, et peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que James Bond a déjà eu des Oscars dans le... Oui, dans les premiers, il me semble. Après, j'ai pas vérifié... Mais donc, elle a déjà eu, juste en général. Ouais, il en a déjà eu. Parfait. Ouais. Ok, ça va. Enfin, sachez que si vous êtes tombé en amour de la charmante Bérénice Malraux, en allant voir Skyfall, vous serez heureux d'apprendre que l'actrice française vient de rejoindre le tournage du prochain film de Terrence Malick. La seule chose qu'on sait sur le film, c'est son casting plutôt ahurissant avec entre autres Christian Bale, ancien Batman, Kate Blanchett, Natalie Portman, Michael Fassbender, qui joue Magneto dans X-Men Le Commencement, René Mara et Ryan Gosling. L'actrice devrait y avoir un rôle secondaire qui pourrait même être coupé en montage par le réalisateur qui dit-on, a le cut facile. Et il laisse beaucoup de choses sur le plancher, celui-là. Mm. C'est ça? Ouais, je sais pas ça. On enchaîne avec des nouvelles de George Clooney, le beau George Clooney et son menton. et son menton et son café. On devrait voir l'acteur prochainement à l'affiche de 1952, le nouveau film de Brad Bird qui avait scénarisé Protocole Fantôme, le dernier Mission Impossible. Le long métrage racontera la rencontre d'un homme avec des extraterrestres. Sachez que Damon Lindelof et Jeff Jensen, deux spécialistes de Lost, les disparus, planchent sur le scénario. Une valeur sûre pour conforter George dans son choix, puisque de mémoire de cinéphile, l'acteur n'est pas apparu dans un film fantastique depuis le très mauvais Batman et Robin de 1998. Ah, on est sévère envers Batman et Robin, c'est pas le préféré de bien des gens. Ouf, non. C'est drôle, une niaiserie comme ça qui a aucun rapport avec la nouvelle, mais Lost en France, c'est Lost, deux petits points, les disparus. Au Québec, c'était les perdus. Ah. Je crois que c'est ça. Ouais, bizarre. Disparu, perdu, pas la même chose, tu sais, il me semble. Ouais. Alerte Star Wars! Oh, attention! Alerte Star Wars! Alerte Star Wars! Ben oui, effectivement, comme tout le monde scrute la moindre information concernant la suite de la guerre des étoiles, j'ai décidé de mettre en place cette petite alerte afin de ne rien louper de l'avancement des travaux. L'information de la semaine, c'est que l'épisode 7 a trouvé un scénariste. L'heureux élu s'appelle Michael Arndt. Alors, son nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Sachez quand même qu'il s'agit du scénariste oscarisé de Little Miss Sunshine. Ça devait certainement pas s'appeler comme ça au Québec. Non, je sais même pas si c'est sorti en salle au Québec. J'en ai aucune idée. Vous l'avez vu? Non. Non, mais ça a l'air bon. Très bon film, je conseille. De Toy Story 3 et du prochain Hunger Games. Et il paraît que dans les premiers jets de ce nouveau scénario, il serait mention de Luke Skywalker, de la princesse Leia et de Han Solo. En espérant que Harrison Ford soit mieux que dans Indiana Jones 4. Cependant, toujours pas de réalisateur pour l'épisode 7, mais il se murmure qu'il ne resterait plus que deux réalisateurs en lice à faire à suivre. On termine côté film avec Sin City 2. Oui, Robert Rodriguez vient d'entamer le tournage au Texas de la suite tant attendue du premier épisode sorti en 2005. Jessica Alba et Mickey Rourke sont bien évidemment de retour dans la ville du péché. Le film sera l'adaptation du comics intitulé J'ai tué pour elle, dans lequel Dwight tombe follement amoureux d'une femme fatale, Ava Lord. Rôle pressenti pour Angelina Jolie dont la participation n'est toujours pas confirmée. À la fois préquel et suite, le film devra composer avec un événement tragique, la mort de l'acteur Michael Clarke Duncan qui interprétait le rôle du majordome Manute, un personnage clé de la future intrigue. On pensera donc à lui lors de la sortie du film fin 2013 et on pensera également à l'actrice Brittany Murphy décédée il y a 3 ans. Ah, pauvres gens qui jouent dans Sin City, peut-être vont-ils mourir d'ici la sortie du projet. Ben, c'est possible, oui. On passe maintenant pas, pas Jessica Alba, hein, par contre. Pas Jessica Alba. Ne touchez pas à Jessica Alba. Jessica. On passe à l'actualité des séries télé maintenant. Oui, on commence avec Agent Libre. La série vient d'être renouvelée par la chaîne américaine USA. Bien que la chaîne n'ait commandé que 13 épisodes, cette annonce est douce à entendre pour les fans. Ces 13 nouveaux épisodes permettront d'ailleurs à la série de passer la barre symbolique et commercialement très intéressante des 100 épisodes prévus pour 2013. Ceci dit, quoi de plus normal pour un programme qui rassemble plus de téléspectateurs, le plus de téléspectateurs sur ESA? En effet, le programme fait même mieux que FBI Duo très spécial, autre programme phare de la chaîne. A savoir également que la série a repris sa saison 6 jeudi dernier après 3 mois d'arrêt. La fin de mi-saison avait laissé Michael, Fiona et Sam mal en point au Panama, mais je n'en dirai pas plus. Ça, c'est le câble hein, de faire des demi-saisons. Ouais. Après ça, long pause, après ça, la pause. J'étais surpris qu'il laisse 3 mois quand même, c'est franchement. Trop, beaucoup trop. On attend toujours une date de diffusion de cette même saison sur Série Plus, qui diffuse actuellement la saison 5 le dimanche à 15h. Oh, tant mieux, c'est pas une heure merveilleuse dimanche 15h par contre, mais bon. Mais moi j'aime bien cette série. Oui, ben ça a l'air bon. Il va falloir que je me mette à ces séries-là que tu nous proposes. Ouais. On enchaîne avec une possible suite à la série Les Kennedy. En 2011, Les Kennedy, la mini-série relatant la montée en puissance de cette famille dans les arcanes du pouvoir entre 1960 et 1968, avait beaucoup fait parler d'elle. Destinée à l'origine à History, la chaîne commanditaire du projet, le programme avait finalement atterri sur le réseau Reels Channel. C'est pas très populaire ce Reels Channel. Non. Après des pressions politiques de la part du clan Kennedy. Autre raison invoquée, suite à ce transfuge, le show bénéficiait de bien mauvaises critiques, ce qui ne l'a pas empêché de décrocher 4 récompenses lors de la 63e cérémonie des Emmy Awards. La saga Les Kennedy pourrait bien renaître de ses cendres, un projet de suite se basant sur le livre After Camelot de Girandi Taraborelli est actuellement envisagé. Cette chronique familiale publiée ce printemps aux États-Unis commence après l'assassinat de Robert Kennedy. Décrit comme l'histoire personnelle de la famille, de ce jour tragique à aujourd'hui, le récit se concentre essentiellement sur les scandales, les arrestations et les dérives, les affaires privées et de drogue qui leur sont associées. L'ouvrage se situe dans la continuité de Jackie Ethel Joan, Woman of Camelot, qui avait fait l'objet d'une mini-série sur NBC en 2001, sous le titre « Les femmes du clan Kennedy ». Ce nouveau projet n'implique pas le créateur de The Kennedy, Joel Surnow, ni Asylum Entertainment, qui l'avait coproduit. La maison de production Muse Entertainment et Reels Channel serait actuellement à la recherche d'un scénariste afin d'adapter le livre. Seulement, seul le temps nous dira si cette nouvelle entreprise aboutira. On verra bien. Ensuite, on continue avec deux nouvelles séries. Oui, je vous parlais la semaine dernière de la fin programmée de Gossip Girl. Oui. Et ne me le cachez pas, je sais que vous avez tous pleuré. Une seule grosse larme. Mais qu'à cela ne tienne, la CW a trouvé sa remplaçante, intitulée The Carrie Diaries, le journal de Carrie, qui sera diffusé sur la chaîne le 14 janvier prochain. Ça, je suis pas certain de cette série-là. La série raconte en fait la jeunesse de Carrie Bradshaw, héroïne de la défunte Sex and the City. Oui, celle des films et de la série. Donc, ouais. C'est elle, mais en plus jeune et sans la face de. Voilà. De elle est adaptée des livres de Candace Bushnell et se déroule en 1984 durant la jeunesse de son héroïne fétiche. À cette époque, la vie n'était pas simple pour la fameuse Carrie Bradshaw. Elle venait de perdre sa mère et rêvait déjà de New York et vivait ses premiers amours. Et c'est Anna Sophia Robb qui incarnera la jeune fashionista. On peut donc arrêter d'être mauvaise langue, car si la série est à la hauteur de sa grande sœur, il y a quand même moyen de bien se marrer. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à faire des références quand même à la série que tout le monde connaît, Sex and the City? Ben, j'espère. Est-ce qu'on va voir Big, mais ça va être comme Small? Peut-être qu'ils se connaissent à l'époque. Ils vont sûrement réinventer l'histoire. Non? C'est vrai que le mec a vraiment un nom pourri, en fait. Big. Ensuite, une autre nouveauté, VIP. Contraction du mot vice-président, la série comique et satirique s'intéresse à un homme politique trop peu connu du grand public, le vice-président des États-Unis, au travers de son personnage féminin, Selina Meyers. Ça, c'est pas la vraie vice-présidente des États-Unis. Non, bien sûr. Elle joue pas Joe Biden. Ça serait compliqué. Oui. La série raconte la vie d'un symbole du pouvoir complètement impuissant. La vice-présidente est usée par le non-exercice des responsabilités. La série se joue d'un personnage griffé de l'étiquette de numéro 2 dans un pays où la seule chose qui compte, c'est d'arriver premier. En fait, VIP, c'est un peu le Desperate Housewives de la politique. Des personnages intelligents et compétents sont desservis par un système qui les ignore, ce qui donne des scènes assez cocasses quand on a besoin d'eux, comme un discours pas préparé ou un grand sourire lors de l'annonce d'une situation de crise ou de catastrophe. Diffusée depuis le 6 novembre dernier par la chaîne OCS, qui a décidé de surfer sur l'élection américaine qui a vu la victoire de Barack Obama. Sachez enfin que la saison 2 est en tournage et qu'elle s'intéressera à la relation entre Selena et le président. Ça me surprend un peu que ça revienne. Je trouvais que ça avait pas. Ça a l'air bon. Premièrement, j'en ai vu un petit peu. J'ai vu quelques épisodes. Je les ai enregistrés, le reste. Je sais pas. Il me semble que ça n'avait pas des si bonnes codes d'écoute. Mais s'ils ont demandé une saison 2, ça doit être parce qu'il y a un succès critique ou un succès potentiel dans le futur. Donc, VIP. C'est avec Julia Louis-Dreyfus qu'on a vu, entre autres, dans Seinfeld dans le temps et qui est très, très drôle. Une de mes actrices préférées. Je l'ai vu dans plein d'autres séries, entre autres Watching Ellie. Si ça vous intéresse de trouver ça, une série en temps réel, j'aimais beaucoup. On termine avec un retour en enfance, c'est celui-là. Ce retour-là me touche, moi, personnellement. Ah, ouais. Je pose la question dans ce studio. Qui regardait l'incorrigible Cory autour de cette table? Ah, que c'est une excellente série. Ça s'appelait Boy Meets World en anglais. Ah. Au Québec, je crois que ça n'a jamais été diffusé en français, mais en effet, le titre Incorrigible Cory, parce que... pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un des personnages de la série. Oui. Dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui tombe en amour avec une fille et qui passe le reste de sa vie avec. Hein. Spoiler alert pour ceux qui regardent seulement la première saison. C'est lui et son ami, sa famille. C'est vraiment le format classique d'une sitcom, mais c'est dans l'écriture et les émotions qu'on vit en regardant cette émission-là. Je l'écoutais en anglais quand j'étais très, très, très jeune, alors qu'il y avait encore de nouveaux épisodes sur ABC. Et pas plus loin que l'été passé, je me suis retapé la série au complet. Ouh. Et que c'est bon. Il y a bien 13 saisons. Comment, excuse-moi? Il y a bien 13 saisons. Non, pas 13 saisons. Attends un peu, je crois qu'il y en a eu... Est-ce que c'est 7 ou 8? Ça se peut qu'ailleurs, c'était diffusé en plus courte saison. Attends un petit peu, Wikipédia! Moi, il me semble qu'il y en avait 13, mais... Non. Faut rectifier ça tout de suite. 7 saisons, 158 épisodes. 7 saisons. Ouais, et ça se regarde extrêmement bien. On sent qu'il a passé des jours entiers à regarder ça. Oh, tu dis, oh. Ça s'est étiré sur des mois, là, parce que. Je l'écoutais en temps réel dans les DVD qui sortaient. Donc, j'ai comme trop avancé la saison avec ma copine. Et là, les autres saisons n'étaient pas encore sorties. Il a fallu qu'on arrête de la regarder. Ça, c'est dur. Hein? Ouais. Qu'on achète les DVD et qu'on continue. En tout cas, on a fini récemment. Disney semble en tout cas avoir envie de relancer la machine avec une suite qui tournerait autour de la fille de Cory et Topanga. Il reste juste à convaincre les deux acteurs principaux de reprendre leur rôle, à savoir que quand la série s'était arrêtée au bout donc de 7 saisons, les acteurs avaient avoué avoir grandi avec leurs personnages et qu'il était temps de les laisser derrière eux. Bon, faut dire quand même qu'on les a peu vus depuis la fin de la série, et moi je me demande aussi si les fans sont pour ou contre ce retour, mais comme j'ai un fan en face de moi, on va pouvoir lui poser la question immédiatement. En effet, je suis très partagé parce que, bon, tu le dis, c'est Disney. À l'époque, c'était sur ABC. ABC est une propriété de Disney, de toute façon. Donc, les gens qui disent que Disney va gâcher la chose, ça reste Disney, ABC, c'est la même chose. Donc, si c'était fait par le même producteur, avec les mêmes scripteurs, j'espère, en tout cas, ça pourrait être un très gros succès. Et en effet, l'histoire laissée sur notre fin, je dirais pas comment ça se termine, on en veut plus. C'est une excellente série, tu t'attaches vraiment beaucoup au personnage. Et là, de suivre la fille de Cory et Topanga, qui, bon, comme on disait, étaient les personnages principaux, les deux amoureux de l'histoire, ça pourrait être beau, ça pourrait être bon. J'espère juste qu'ils vont pas soit Disney-ifier ça en faisant un genre de, tu sais, Anna Montana ou un truc comme ça. F- faudrait pas que ça arrive. Mais c'est ce que les gens veulent de nos jours, donc ça me surprendrait pas qu'ils disent ça. C'est ce que les enfants veulent. C'est ce que les enfants veulent, bien dit. Ben oui. Non, c'est ce qu'on propose aux enfants. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est mieux comme ça. C'est ce qu'on propose aux enfants. Les enfants prennent ce qu'on leur offre. Voilà. Et on leur offre du gros. C'est ça. Du gros. Du gros. De la boulette. De la boulette. Voilà. Merci beaucoup, Maxime Bétuy. Merci à vous. Merci beaucoup. On compte les chroniques jusqu'à la fin de ta présence. Si tu t'en vas le 20 décembre, il t'en reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Pas beaucoup. Ah, pas beaucoup. Bon, ben, on va faire un peu de teasing et on va essayer de finir sur un truc qui vous laissera sur votre fin. Oui, c'est ça. C'est fini à la Boy Meets World. voilà pour cette chronique ciné-télé. La semaine prochaine, c'est jeudi à 8h. À 8h, tapante. Ne soyez pas en retard, j'ai horreur de ça. Non, faites pas des longues chroniques en fin de première heure qui étirent l'heure jusqu'à comme 8h05. On va se quitter avec devinez quoi? Ah! When this bar meets world. C'est bon, 20 Cent Crush. Quel nom de... Ça te rappelle des souvenirs? Oui. C'est la chanson tête de Boy Meets World, de l'incorrigible Cory, dont on parlait avec Maxime Bétuy tantôt. Et ah, que ça me rappelle donc des souvenirs, ça. Alors, quelques minutes, la chronique Logocratie s'en va avec François. Et là, ça va être ton tour de connaître le sujet et de pouvoir participer. C'est un assemblage requis dans quelques minutes. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Lundi, à Assemblage requis. On recevra Alexandra Carignan pour sa chronique artistique Le temps d'une culture. Et je me permettrai de chialer là, sur des sujets là, qui touchent personne d'autre que moi. Dans et que c'est nouveau. C'est nouveau, hein? C'est ma passion. C'est lundi, 7h à Assemblage requis. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 8h30, minutes juste à Assemblage Rocky. François-Louis Marchais toujours là. Mathieu Plante aussi. On dirait que t'es trop. Oui, trop. Ben, tu sais, on m'appelle pas le talon pour rien. Et shit, hey, oh, ouais. Hein. Hey, attention, shit, là, faudrait la petite chanson de quand quelqu'un sac en ongle, là. On n'a pas de chanson pour ça. Devinez qui a pris son café ce matin. Il a eu son niche café. Ouais, merci. Donc, maintenant, on accueille François Landry, un autre homme avec une crinière de. Non, pas de barbe, une crinière de barbe. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. François Landry, t'étais pas là la semaine passée, je me suis ennuyé, fais-moi plus jamais ça. Ouais, c'est pour ça que t'as dit dans la première heure. Première heure à matin, t'as dit que je te pompais, fait que je dis gars. Il crinque. Ouais, toi t'as dit que je vais pomper. Mais dis que c'est pas ma femme, mais t'as. Non, mais tu sais. Alors, je t'ai donné congé. Ouais, non, c'est ça, mais en même temps, ça me rend de bonne humeur. Ben, good. Que tu sois pas là? Non, ta présence. Hein? Non, ça présente. On peut alterner une semaine sur deux. Non, la garde partagée. Donc, cette semaine, on parle de bidou money. Oui, des pognons. Parce que je suis en train de faire une revue de presse, puis je dis tous les sujets que je veux parler, c'est à la base de l'argent. Ah. Que je dis, je vais parler, me faire une chronique bidou. Mais c'est rare que ça n'a pas de lien avec l'argent. C'est politique, argent, ouais. C'est synonyme habituellement. Enveloppe brune. Et tu vas voir que dans le texte, on va peut-être en parler des enveloppes brunes, mais oui. Le premier sujet, c'est la semaine prochaine, c'est le premier budget du gouvernement marois. Moment d'extase pour les fans de politique et pour les autres, c'est... Who cares? Oui, c'est une journée comme une autre, en autant que tu touches pas mes taxes. Hein? Mes taxes, mes fameuses taxes. Oui, donc le 20 novembre prochain, le premier budget du gouvernement marois, son premier vrai test... politique, parce que cette semaine, pour ceux qui sont freaks de politique comme moi, on a écouté le premier vote de confiance envers... Qui a passé 47-44? Ouais, il y avait beaucoup de gens malades cette journée-là. Hein? Ouais, ouais. 125 écoutez. Députés en tout, 47-44, additionné, ça donne pas 125. Non. Dans ma tête à moi. La grippe a frappé fort. C'est une autre tactique dite démocratique pour ne pas défaire le gouvernement, même si on dit qu'on est fâché. Non, mais assume. À un moment donné, t'assumes. Voilà. Tu votes, tu votes pas. Tu défais le gouvernement, tu le défais pas. Bon. Non, c'est sûr. Mais c'est parce qu'après ça, tu peux dire, ben écoute, je t'ai jamais appuyé ou tu sais, ça devient. Mais. C'est comme ceux qui disent dans nos assemblées générales, c'est pas crédible, vous étiez 50. Ben, et c'est ça. C'est le nombre de gens qui sont venus, qu'est-ce que tu veux. Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'abstenir? Non, pas à Québec. On peut parfois s'abstenir. Nous autres, par contre, à l'Assemblée générale, on peut s'abstenir. À Québec, non, c'est oui ou c'est non. Okay. Donc, on pourrait peut-être choisir ton camp. Et je vous ai entendu parler cette semaine aussi que plusieurs pays, on obligeait le vote. Je ouvre une parenthèse. Dans une chronique, c'est un fait. Je pense que tu avais fait ça, Mathieu. Okay. Dans certains pays, en Australie notamment, on oblige les gens à aller voter, sinon t'as une pénalité financière. Ouais, c'est ça. On avait déjà parlé un petit peu, toi et moi. C'est vrai, vous essayez d'accord. Non. Pourquoi? T'obliges quelqu'un à aller voter. Est-ce que sur le bulletin de vote, t'es obligé de voter pour quelqu'un ou t'as la case « je ne veux pas voter ». OK, ben j'espère que oui. J'espère que ça. Parce que ça, sinon, ça fait que les gens votent pour n'importe qui. Sinon, sinon tu l'annules, t'en coches deux. Non, parce que ça, c'est on autorise le vote. Donc, le vote est comptabilisé dans ceux qui ont voté. Il faudrait qu'il y ait une case qui se dise « je ne veux pas participer à ce système gouvernemental-là ». Il y en a qui ont le droit de ne pas reconnaître l'existence de gouvernement. Donc, sur le bulletin de vote, il faudrait qu'il y ait une case « je retire mon vote ». Abstention? Abstention, ça veut dire que je ne suis pas décidé, je ne sais pas quoi. Okay. Mais si tu votes pour deux partis, ils compilent ton vote, mais en même temps, ton vote ne va pas vers un parti. Non, peut-être pas, mais dans le DGEQ, le directeur général des élections de ce pays-là, comptabilise « ah, il y a eu un vote, François-Olivier, le numéro 84221, a voté ». Donc, ton vote est comptabilisé, donc tu as fait fonctionner le système démocratique du pays. Les rouages du système. Il y en a qui ne veulent pas embarquer dans cet engrenage. I'm not a part of the system. Ça doit être une faible minorité, j'imagine. Il y en a beaucoup plus que tu penses. Beaucoup plus. Là, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de chiffres. Même au Québec, les gens qui choisissent de ne pas voter. Exactement. T'annules ton vote. Il y en a beaucoup qui vont voter et qui l'annulent aussi. Oui, mais il est comptabilisé dans le système. Donc, tu fais fonctionner le système. C'est des objecteurs de conscience. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais obliger le monde à aller voter, je trouve ça totalement antidémocratique. C'est ton choix ou non de ne pas te faire gouverner, de ne pas reconnaître le gouvernement. Ouais, mais Oui, mais si on parle dans ce sens-là, dire que c'est un devoir... C'est un devoir, c'est une responsabilité. On devrait axer sur l'éducation. Un devoir... En fait, tu dois le faire, non? Tu te dois de le faire, mais ouais. T'es pas obligé. Non. Jamais on va obliger quelqu'un à faire de quoi qu'il veut pas. Jamais. Ça, c'est... Ouais. Tu me feras jamais dire le contraire. On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un qui ne veut pas. Non, c'est vrai. Bon, ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, le fait que tu peux l'annuler, moi... C'est... Si t'as une case pour dire « je ne veux pas voter ». Mais est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de case comme ça? Je ne sais pas. C'est ça qu'on aimerait savoir. Si vous savez la réponse, téléphonez-nous. 9-376-583. Exactement. Voilà, merci. Faites la parenthèse. Donc oui, le premier budget qui a... C'est vrai, on parle de ça. J'avais oublié de quoi qu'on parlait. De quoi qu'on parlait. Oui, gars, tu vois, je t'ai craqué là. Non, ouais. Premier budget, chaque semaine. Oui. C'est habituellement, c'est très très rare qu'il y ait des budgets au printemps. C'est toujours à. Pardon. C'est au printemps. Très rare que c'est à l'automne. C'est au printemps habituellement. Parce que, bon, la tradition oblige ou les impôts et tout ça. Donc, l'année fiscale qui commence pour les entreprises, pour les particuliers aussi. C'est depuis 1950, les gouvernements québécois n'ont présenté des mesures budgétaires à l'automne que 5 fois. Depuis 1950. Donc, en 60 ans. Mais pourquoi ils font ça, hein? 3 budgets en bonne et due forme qui ont été présentés et 2 mini-budgets. Des mini-budgets, c'est soit qu'il y a une crise économique ou une grosse entreprise qui quitte, puis ils sont obligés de revenir pour rééquilibrer les chiffres. Okay. Pauline Marois est en terrain connu avec son budget à l'automne. La dernière fois qu'un budget a été présenté, l'automne, c'était le 1er novembre 2001. Et qui était ministre des Finances? Pauline Marois. On l'oublie, ça, qu'elle a déjà été ministre des Finances, de la Santé, de l'Éducation. 3 domaines qui vont très mal au Québec. Je le répète. Oh. Drôle d'adon. Drôle d'adon. Mais en même temps, c'est pas elle qui était là avant. Tu sais, mettons, c'était Charest qui était là. Ouais, ben lui, Charest accuse le gouvernement d'avant. Non, je sais. Moi, j'accuse tout le monde. Mais je sais, mais. Même pied d'égalité, égalitarisme. Mais en même temps, c'est comme ça. C'est plus un clin d'œil parce que c'est le running gag en politique. Partout ce que Pauline va, ça va mal. Mais je pensais que tu voulais chialer contre Pauline. Ça sonnait de même un peu. Jamais j'oserais chialer contre ma Pauline. Ben, me semble. Non, non, écoute. Oui, 2 raisons expliquent le fait qu'on veut présenter un budget cet automne. D'abord, raison économique. Le gouvernement affirme que les finances sont en très mauvais état. L'écart entre les revenus et les dépenses se creuse. Dans un communiqué, même le ministre des Finances, Nicolas Marceau, affirme qu'attendre le printemps ne ferait que retarder la mise en œuvre de nouvelles politiques pour redresser l'économie. Puis en même temps, écoute, il y a eu le trou là, de 800 millions qu'on parlait, laissé par les libéraux. Un petit peu plus que 800 millions selon le PQ, 800 millions selon le Parti libéral. Un petit peu moins, ouais. Ça joue, donc chiffrons, on est dans le trou. Et puis, il y a le contexte politique aussi. C'est un gouvernement minoritaire, faut pas l'oublier. Le gouvernement peut tomber en tout moment, à moins que la grippe frappe fort. Un vote sur le budget peut renverser le gouvernement. Les partis d'opposition menacent de voter contre le budget, à moins qu'ils pognent la grippe, évidemment. S'il contient des augmentations d'impôts. Et dans le budget péquiste, il y aura augmentation d'impôts, mais pour ceux qui gagnent 100 000 $ et plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a une nouvelle braguette. Pour François Landry et les autres. Gagner 100 000 $, ça me ferait plaisir d'augmenter mes impôts. Mais je gagne pas 100 000 $, désolé. Mais présentement, il y a 3 braguettes de palier d'imposition et le gouvernement péquiste va en imposer une 4e et peut-être une 5e. Donc, les classes plus fortunées pourraient payer plus et les classes moins fortunées pourraient voir diminuer leur impôt. Donc, réjouissons-nous. Diminuer ou, pour le moment, rester stable? Pour le moment, c'est statu quo. Mais dans les vues à plus long terme, il y aurait diminution pour... Le but, c'est ça. C'est exactement. Donc, rééquilibrer le paiement d'impôts. Le gouvernement pourrait ne pas tomber aussi parce que la CAQ est en train de se reconstruire, se construire une crédibilité. Parti libéral. Parti libéral qui est à... Pas de chef. Pas de chef. Tu pars pas en élection, pas de chef. Non, tu peux impossible. Pas. Impossible. Tu peux pas. Impossible. Mais c'est pour ça, une bonne tactique, en fait, du Parti québécois aussi. Là. Oui. Si t'as des trucs à faire passer, c'est là. Ben, c'est pour ça que après ça, tu marches les faciles. C'est quoi, depuis le 4 septembre, ils ont déclassé Gentil 2, ils ont aboli la hausse des droits de scolarité, loi 12, le BAP, hier, ont congédié leur directeur pour remplacer par 2 environnementalistes et non pas 2 fonctionnaires. C'est ça. Le BAP, c'est pour les gaz de schiste. Entre autres. Entre autres, c'est le bureau d'audience publique pour l'environnement. Donc, c'est eux autres qui reçoivent toutes les doléances. Qui englobe un peu tout. C'est ça. OK. Donc, gaz de schiste, d'ailleurs, on a fermé la porte, là. Pour l'instant, c'est pas encore statué, mais ils veulent plus rien savoir des gaz de schiste. Okay, donc, c'est une victoire pour ceux qui s'opposaient à cette extraction. Il y a aussi le ministre des Institutions démocratiques, Bernard Trinville, qui a déposé déjà son projet de loi sur le financement des partis politiques. Il dit le premier projet de loi, c'était sur l'éthique dans les contrats publics. Donc là, ils sont en audience présentement en commission. Donc tous ceux qui vont vouloir postuler pour avoir un contrat du gouvernement devront montrer patte blanche. Et ça implique aussi le municipal? Tout le monde, tout ce qui s'appelle public. Okay. Parce que les municipalités, on l'oublie trop souvent, c'est une créature du gouvernement provincial. Donc, les municipalités doivent être redevables au gouvernement provincial. C'est ça, c'est eux autres leur boss. Et on l'avait oublié ces dernières années, le gouvernement péquiste. Ben, on pensait qu'il était un peu indépendant. Pour dire, non, les villes sont relèvent des affaires municipales. Donc, ben, il est à terre quelqu'un mette son nez. Comme troisième sujet de la chronique, on va revenir là-dessus. Okay. Ils ont frappé fort, puis ça a surpris pas mal de monde, puis ça en a fait grincer des dents à plusieurs autres. Il y en a plusieurs qui tombent là, en ce moment. Un château de cartes. Oh, ouais. Au Québec, le vent vole au vent. C'est bon, des bons. Ça serait sauce, bon, ça. Ah oui, des petites patates. On aime ça, des patates. Parle pas de Pauline, là. Bernard Drinville qui veut abaisser la contribution politique des particuliers à 100$. 100$, on avait parlé de 200, non? Avant, c'était 2000$. Ça a été réduit l'an dernier à 1000$. Donc, par année maximum, tu peux donner 1000$ présentement. OK. Bernard Drinville veut ramener ça à 100$. OK. Donc, toi, François Olivier, tu donnes 100$ par année max à un parti politique. Ouais. Tu peux pas donner à chaque parti politique. C'est tu t'inscris au DGEQ, tu dis, moi, je fais un don cette année, 100$. Tu peux pas donner à toutes les parties? Tu peux donner à tous les partis, okay. Mais le DGEQ va dire, à un moment donné, sois logique. Branche-toi. Oh, oui. Donc, en même temps, tu peux donner à tous les partis si tu veux. Ouais. Si tu as 500$ ou 1800$ à gaspiller. T'annules ton budget. On va t'en partout. C'est ça. Ben, exactement. Pourquoi donner pour le PQ et le Parti libéral, à moins que tu veuilles absolument avoir un contrat? Mais pour ton 100$, ils vont dire, gars, t'es pas si important que ça. Non, c'est ça, 100$, écoute. Mais 100$, je trouve ça peut-être un peu bas. Ouais, il me semble. Hein? Moi, personnellement, je trouve ça très, très bas. 1000$, je trouvais ça bien, parce que 1000$, ça empêche les abus. T'empêches les abus, oui, effectivement. Et aussi, c'est pas tout le monde qui peut donner 1000$. Donc, ceux qui veulent vraiment, qui croient à la cause politique, vont dire, je vais donner 200-300$, puis c'est juste, tu sais, j'ai fait ma part, là. Sans rien attendre en retour. Parce que tu donnes 300$, Parti libéral t'envoie une lettre par la poste pour dire merci. Oh, c'est ça. Tandis que 1000$, c'est agréable aussi, disent merci. Mais par contre, quand tu as une entreprise qui dit à leur employé, comme ça s'est vu dans plusieurs entreprises de firmes, conseils, donnez 1000$ chacun, puis on vous rembourse comptant ou en paye de vacances, 1000$. Hein? Là, ça commence à faire dans les 4-5 chiffres. Là, ça, c'est plus agréable. Ouais, c'est la firme de Gilles Conseil avait un retour d'ascenseur. Ça, c'est déductible d'impôt? Oui, justement. Je vais te donner les chiffres. Okay. Parce que on dit. Je vais juste revenir au début. Oh, et non, écoute, je suis pas encore réveillé aujourd'hui. aussi, le 100$, mais les partis politiques sont aussi financés en retour de par le nombre de votes qu'ils reçoivent. Okay. Donc, un certain montant par vote. Exactement. Donc, plus les partis politiques reçoivent de votants, non pas de pourcentage, mais de votants, plus ils reçoivent d'argent. Présentement, c'est 85 cents par vote. Donc, dès que tu votes pour un parti politique, tu donnes 85 cents au parti annuellement. J'ai fait un petit exercice. Le Parti québécois, aux dernières élections, ont reçu 1 393 000 votes. J'ai arrondi. Donc, avec le 85 cents, ils reçoivent annuellement 1 184 000 $ de financement étatique. Parti libéral, c'est grosso modo pareil. Puis sont identiques. Et ça, cet argent-là vient en fait du gouvernement. Okay. Donc, c'est un financement public. Okay, okay. Donc, dès que tu votes pour un parti politique, il y a 85 cents qui s'en vont annuellement au parti. Okay, okay. Donc, là, Bernard Drinville a dit qu'il faut que l'argent, au lieu qu'elle provienne des enveloppes brunes, il faut qu'elle provienne de l'État. Des votes. Oui. Donc, plus les partis politiques vont avoir de l'argent propre, moins ils seront tentés d'aller chercher de l'argent sale. Donc, il ferait passer de 85 cents à 1,67 $ le financement public. Et là, pour le Parti québécois, pour revenir à cet exemple-là, il recevait 1 184 000 avec l'actuelle formule et il recevrait 2,3 millions avec la nouvelle formule. Donc, ils se disent, si on reçoit 700 000 $ de plus, Ça comble les enveloppes brunes, tu sais, le risque de se faire pogner puis d'avoir des démissions, tout ça, on peut agir plus proprement. On spécule, mais pourrait freiner l'ardeur des partis à aller se financer autrement que de par la légalité. Exemple pour les petits partis, Québec Soldat, je l'ai calculé pour le plaisir, 263 000 votes, ça leur donne 223 000 $ par année. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils ont eu, eux, de financement, mettons? Ben là, avec le 4 septembre, c'est 223 000 $ de financement étatique, mais plus les dons et tout ça. Les dons, ça peut... Les chiffres sont pas sortis, okay. C'est au mois de mars-avril qui sortent. Et là, avec la nouvelle formule, ils pourraient recevoir 440 000 $ C'est pratiquement le double. C'est pas le double, mais ça leur ferait plaisir pour dire on va pouvoir mettre plus d'affiches là, partout au Québec. Donc, ben, affiche, être plus présent. Tu sais, ça coûte cher. Et là, ça coûte cher une campagne électorale. Oh, vas-y. On a calculé à Trois-Rivières pour faire une très bonne campagne, ça coûte 80 000. À 80 000, t'es présent. 80 000, t'es un gros parti. T'es plus que juste un carton sur le bord d'un poteau. Ouais. Les petits partis, comme je pense à Option Nationale, Parti Vert, Québec solidaire, eux autres avaient des budgets variant entre 0 et 10 000 $ Ouais. Donc, comment veux-tu concurrencer avec un autre gros 80 000? Ben, sincèrement, mettons, au lieu de mettre 10 000 là, mettons, en publicité, quoi que ce soit, garde-les pour toi. Non, mais t'sais, si t'essaies de rivaliser avec... Non, ben, il y en a qui veulent, c'est des choix politiques, il y en a qui veulent avoir une pub dans le journal. Une pub dans le journal, c'est 1 000 $ Non, mais je sais, mais en tout cas, je sais pas. Ben, c'est une stratégie. Ouais. On pourra faire venir des organisateurs politiques ici éventuellement, ou Denis Coderre qui s'est présenté. Denis Coderre, t'es où? Alors, j'ai plus de blagues à faire, j'ai déjà fait celle du Coderre régional pour l'appeler, je peux plus rien faire là. Il y en a pas d'autres. Retiens-la pour plus tard. Récurrente. Ouais, le temps sera passé. Les gens vont peut-être avoir oublié. Je pourrais peut-être le... Ouais. OK, ouais, parfait. Retiens-le pour la session prochaine quand Denis va être là. Quand il va être maire. Quand il va être maire, oui. Donc, en gros, c'est ça. Puis tu parlais des dons d'impôts. C'est très payant de faire un don à un parti politique parce qu'on sauve de l'impôt. Oui. Et... Tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. C'est payant dans deux sens. Mais comment ça fonctionne, mettons, je fais un don? Tu fais un don de 100 $ Ouais. OK, chiffrons 100 $ Tu as un crédit d'impôt de 85 %. OK. Donc, tu reçois 85 $ en retour d'impôt. Tu as juste payé 15 $ Tu aurais payé 15 $ Ah, ben. Puis, ça paraît bien aussi. Là. Ben oui. Ah oui. Tu sais, dans ton rapport d'impôt, tu dis, là, cette année, le gouvernement m'envoie une demande, il faut que je paye 300 $ Je dois 300 $ à l'État, je n'ai pas payé assez d'impôts. Ah, mais par contre, je me souviens d'avoir fait un don de 1000 $ 1000 $ je vais recevoir 310 $ en retour d'impôt. Intéressant. Ouais, donc, tu ne payes pas d'impôt. Parce que tu as fait un don en particulier. L'État québécois, là, donc la société, te félicite. Merci, mon grand. Paye pas d'impôts cette année, puis t'as fait vivre la démocratie. On se revoit l'an prochain. Tu fais la même chose. Et oui. Donc, grosso modo, c'est la loi qu'il veut faire passer avant Noël, parce qu'après Noël, il veut s'attaquer à l'autre régime démocratique, donc les élections date fixe, peut-être la proportionnelle, mais ça, c'est... Ça, on n'est pas rendu là. Pas sûr que Berland veut ouvrir ça. Non. Pas sûr. Dernier sujet, le temps file. Le vérificateur à la ville de Laval. On sait, t'en as parlé en introduction, ça brasse dans la région métropolitaine. Montréal, Gérald Tremblay a démissionné, à la grande surprise de tout le monde. Clin d'œil. Et le maire Vaillancourt, son petit cousin, non apparenté, le roi telet de Laval, que je pourrais dire. Un roi hey, 23 ans qui était là. 23 ça? Ans, attends une minute, depuis 89. Depuis 89, 23 ans. 23 ans. Hey, c'est pour ça qu'on l'appelait le roi Tolet, Vaillancourt. Ouais. Un roi Tolet, c'est un roi d'un tout, tout petit pays. Ah. Il gouvernait à Laval comme étant son pays. Mais Laval, c'est quand même la deuxième plus grosse ville au Québec. Troisième, oui. La deuxième, c'est Québec? Longueuil. Non, au Québec. Longueuil, c'est plus gros que Laval. Ouais. C'est 1,4 million. Ouais. En termes de population ou de superficie? C'est de population. Population et de retombées économiques et tout ça. Donc, oui, donc Québec. Je que Laval était... Non, troisième donc, plus grosse ville du Québec. J'apprends des affaires maintenant. T'apprends? Tu veux apprendre, on t'apprend. Donc, le 9 novembre dernier, le roi Tolet, Gilles Vaillancourt, annonce sa démission. Mais il a fait ça un vendredi. Ouais, ben c'est sûr, les journalistes sont moins présents. Mais il a dit aussi, je me présente devant vous à l'encontre des recommandations de mon médecin. Oh, tu pètes. Il a essayé de faire pitié en partant. Hey, les journalistes, tu vois qu'il y avait les micros bas, puis gars, on enregistre pas ça, là. On veut juste savoir pourquoi tu démissionnes, t'es-tu coupable? Il a pas dit qu'il était coupable. Jamais. Rien là-dessus. Et d'ailleurs, forte escorte policière, hein, c'est assez surprenant. On protège les criminels au Québec, c'est blé, et c'est bien, c'est bien. Mais il est pas encore criminel. Il est présumé. Ben, même pas. Il n'y a même pas d'accusation portée contre lui en ce moment. Mais des allégations. Ouais. Il y a eu des Là, j'ai procuration, mais c'est pas des procurations, là, en fait, là, des saisies. Des saisies, oui. L'unité permanente anti-collusion a frappé pour la première fois le 4 octobre dernier, ce qui a mis une faille chez eux. Chez eux. Le compte en banque. L'hôtel de ville, dans ses serveurs informatiques, dans ses quatre maisons. Il y en avait quatre? Quatre maisons. Quatre, dont trois construites par des amis. Tu sais, quand tu dis que t'es rendu avec quatre maisons, écoute, tu peux avoir un chalet, tu peux avoir un appartement à New York, je peux comprendre. Oui, oui. Ben, quatre maisons à Laval. C'est qu'à un moment donné, tu sais pas où est ton décor. T'sais, tu dis, ah, je file plus arbre à ma tête. Bon, tu t'en vas proche d'un bois. Là, ah, je file plus urbain, tu t'en vas au centre-ville. Non, c'est ça. Je file plus, je me cache, je m'en vais dans mon bunker. T'as une, il a vendu une. Il en a vendu une à sa famille pour une somme dérisoire. Ouais, ouais. Parce que. Il pourra pas se faire saisir. Parce que s'il se fait accuser, sa maison est saisie. Et ça vaut cher, cette maison. Mais tout le monde fait ça, là. Ah oui. Tout le monde fait ça. C'est la grosse mode. Ben oui. Tout le monde s'est départi de leur bien. Parce que si tu te fais accuser, tu perds tout. Donc, si tu veux te relancer plus tard, parce que sa fille, plus tard, pourrait dire, après 20 ans de prison, je te revends la maison 1$. Il y a déjà 1 million cash dans ses mains, là. Avec ça. Voyons. Donc, oh oui. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas courant de ces magouilles-là. Ah, c'est tu vends ton auto, t'en loues une. Tu fais de la location. En fait, il n'y a rien qui t'appartient. Comme le Doc Mayhew, d'ailleurs. Comme le Doc Mayhew. Ah oui. Lui, il ne paye pas ses impôts. Hein, non, ben sa maison, il l'a mis, il l'a rentré dans une faille du système d'impôts comme étant un commerce agricole. Donc, t'es exempt d'impôts. Puis, ferme, je sais pas quoi. Ouais, il y a 2-3 poules sur son terrain. Ça compte comme étant un élevage. Ça, c'est celle qui est à Trois-Rivières. Non, il est Sarrive-Sud, lui. Sarrive-Sud ou à Louisville? Moi, j'ai Sarrive-Sud. Ça se peut, dans la région. Il est dans le coin. Il peut nous capter par les ondes. Ah ouais, c'est sûr. Fais attention. Ouais, on l'invite. Viens voir François Landry. Il dirait à taper, on fera un concours de barbe. Par contre, là, ça oui, j'embarque. Ouais. S'il nous cherchait, il dirait mais you say qui est le studio, c'est fou. Mais you say qui. Mais you say, non, elle est bonne. Ça combien ça? Ouf, un gros 5.9. Je te donne pas le 6. 5.9, juste pour dire que. Radin, comme je tellement généreux. Comme le Mayhew. Bon. Voilà. Donc, pour revenir à Laval, le gouvernement du Québec et son ministre Stéphane Goudreau ont nommé un vérificateur de la ville. C'est la première fois depuis des années que ça s'est passé. À Laval, ça. À Laval. Donc, le vérificateur n'est pas un mandataire. Lui, il va dire, je rentre un matin puis ça me tente d'ouvrir les livres comptables. Il va les vérifier puis dire au ministre, j'ai trouvé une faille ici. Donc, c'est comme un... pas un chaperon. Un chaperon, c'est il t'accompagne. Mais un vérificateur, c'est la belle-mère qui rentre dans ta salle. Il vérifie. Ça le dit. Ah, non, ben c'est ça. Lui, il va rentrer partout. C'est comme ta belle-mère qui rentre dans ta chambre à coucher. François-Olivier, t'es bas brun, là. Dans le mal à linge, pas sur le lit. Et puis là, je dis touche pas à ça, c'est sale. Ah, trop tard. Donc, vérificateur va. La ville n'est pas mise sous tutelle. Elle est vraiment juste sous l'œil très critique du gouvernement. Et qui a été nommé, d'ailleurs. Qui a été nommé. Donc, doit des comptes au gouvernement. Voilà. Et évidemment, le gouvernement veut que ça sorte avant, dans le début de son mandat. Oh, tout à fait. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe à Laval. Et là, le parti du maire pro-Lavalois dit « On n'a pas besoin d'un vérificateur, on va s'auto-gérer nous-autres-mêmes. » Puis le gouvernement, il dit « Gars, si vous êtes même pas capable de admettre qu'il y a un problème à Laval, vous êtes même pas digne de gouverner. » Donc, c'est pour ça, un vérificateur. La ville n'est pas sous tutelle, mais... Pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Et d'ailleurs, il y a des candidats qui ont déjà commencé à faire campagne tranquillement. Je sais pas si la magouille commence. La magouille commence à savoir qui va se présenter. Et là, est-ce que quelqu'un veut vraiment hériter de l'héritage Vaillancourt ou se démarquer? C'est de faire des changements... Dans la continuité. Parce qu'ils peuvent pas rompre tout... Non, c'est sûr. C'est comme à Montréal. Montréal, l'Union Montréal, 6 démissions en 2 jours du parti. Il vient d'être tombé minoritaire, exactement. Donc là, il y a une course à chefferie. Il y en a un qui se démarque en disant « Moi, je vais faire le ménage, je démissionne. » Et l'autre parti, celui qui était pro-Tremblay, dit « Moi, je veux continuer dans la logique de Tremblay. » Il y a quelque chose qui cloche, puis en même temps, c'est beau à voir, parce que là, c'est juste de ça qu'on entend parler, qu'on voit. La démocratie, elle a très, très mal ces temps-ci. Elle saigne. Mais en même temps, la démocratie s'exerce de plus en plus, parce que là, il y aura C'est ça, exactement. Et puis, le timing est excellent pour le Parti québécois. On va revenir rapidement sur Pauline, parce que, en fait, à la fin de son mandat ou aux prochaines élections, on va pouvoir dire ça. Écoutez, quand je suis arrivé, c'était tout croche, tout le monde était blaster. C'est merveilleux. Ça va mieux. Voilà. T'as entièrement raison. François Landry. Oui. Merci. Ben, fait plaisir. C'était tendre, hein? C'était tendre, oui. Non, c'était quasiment sensuel. Ça finit sur... tout le monde a raison. Ouais, tout le monde se tient dans la main. Une petite danse, lassive. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a une pleine lune qui se prépare. Ça se peut. Ah, ça se peut. Ouais. Évidemment, Mathieu Plante qui fait le loup. Ouais. Merci, François André. C'est un plaisir. À jeudi prochain, 8h30. Et bye, et bye, bye, bye. On y va avec un petit peu de Beastie Boys pour presque terminer l'émission d'aujourd'hui. On écoute la pièce Girls, puis on vient pour se dire au revoir juste après ça, François. Yeah. La pièce Girls. Tu m'as fait plaisir en faisant jouer cette pièce-là ce matin. Oui, ma petite fille! Oui, ma petite fille! Et c'est ma petite fille. Oh, merci les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Bétuy, sa chronique ciné et télé. Merci, Maxime. Et merci à François André aussi. Merci, François. Merci à toi, François. Merci, Mathieu. Merci à vous d'avoir écouté l'émission où que vous soyez. Oui, et merci à Danny Janvier d'ailleurs qui nous a éclairé sur le Doc Mayou. Et en fait, et c'est à Saint-Étienne. Ah, ça demeure. C'était proche quand même. C'était pas loin. Ouais. Parlant de Danny Janvier, restez à l'écoute pour le Dîner de cons à partir de 11h. Ça, c'est plus tard. Avancé, il va y avoir La Belle et les Bêtes à 9h avec tout plein de bons gens et de discussions sur l'actualité et plein de choses. Ouh. Ensuite, à 10h, ce sera Les Filles du Boudoir. Plus tard, à l'après-midi, à 15h, je serai de retour avec Alexandra Carignan pour Les Palmarès, c'est fou. À 18h, Mathieu Roy animera Soirée au coin du feu avec des discussions sur la vie étudiante et la GEQTR. À 19h, on passe en électronique avec 13e étage. Et à 21h, c'est électro-tactile avec Elisa Gauthier. Très belle journée. Sur les ondes de C'est Fou. Et allez voir C'est Fou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion MP3. MP3. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Matt. Salut les requins. On se quitte. Allons-y. On se quitte avec une pièce qui fait un petit peu un parallèle avec ce qu'on disait tantôt sur l'achat et la vente de maison. Là. Ouais. Ça ressemble pas mal à une maison mobile. Ouais. De Madame Moustache. Bye. chemise m'envole, je m'arrête ici, je croise un petit chat. J'arque les amarres, je coupe les ponts du fond du vent. Monte le cri, partir, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. On le fait.